Thank you. Thank you. समर्थ। plusieurs soirs. C'est long et parfois inachevé. Putain, j'ai perdu là. La route est longue. Arrêtez d'écrire parce que sinon. Ça? Chanson. Will you? La route est triste, dangereuse. Qui veut trop vite arriver? Gagner du temps. Thank you.